بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمدمجين أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واقتفى بهم. لسون numéro 22, c'était donc sur le Mamnou' min al-Sarf. On a pu voir que les Mamnou' min al-Sarf, ils vont revenir soit sur un wasf ou soit sur un quoi, un ralab, un nom. Et ensuite, à chacun de ces deux choses, il faut regarder est-ce que yani, c'est nom propre féminin. Si jamais c'est un nom propre, et en plus c'est féminin, pas Mamnou' min al-Sarf. Si c'est un nom propre et, qui est masculin, là qui est lafzi, qui est masculin dans le sens et qui est l'ordre dans l'écrit, tu vas dire que quoi, les noms qui sont sous la forme de quoi, de af'al, comme un fi'l, comme Ahmed ou kathalika Akram, As'ad, il a khiri, kulla hadi l'asma, ils ne prennent pas de tanwin. Pourquoi? Parce que ce sont des noms qui sont sous la forme de verbe. Kathalika, si on met une sifa, abyad, ahmar, azra, akhdar, il a khiri. Comme tout ce qui est sous une sifa, une sifat qui est sous le wazn d'un fi'l. Dans les cas, on a vu les noms qui sont quoi? Qui sont arjami. Les noms qui sont arjami, ils ne prennent pas de tanwin. Pourquoi? Alam, ils disent, lorsqu'il y a un nom, et en plus il est arjami, il ne prend pas. À part sur le nom qu'il a quoi? Plus de trois lettres. Amanouh, dans les cas, il a quoi? Trois lettres. Laquette, ce n'est pas un nom. Je veux dire, ce n'est pas un nom arabe, mais il a trois lettres. C'est pour ça. Amas, il y a quatre lettres, là, khalas, tu ne crois plus. Houd, la même chose. Houdoum, tu diras. ولما جاء أمرنا نجينا هودا هودا يعني هودا كذلك لوط لوط كذلك سانو أعجمي لكن إيش ثلاث لتر سوف كسر يتبخي ده سجاري ما شاء الله يتبخي ده في مرة بس كسر سو سان قوم ليوارد بس كلا بس بدي أعمل ليوارد سعب بس يتبخي ده في مرة بو dire ceux qui font ces choses. Donc en fait, quand tu veux, il n'y a pas un mot qui dit exactement l'acte qu'ils font. Là, tu parles par le nom de comme l'autre, les Wahab. C'est ça. Voilà, on dit Fahijal. Hatakal wa al-Wahab. Walladhani ya'tiyaniha minkum. Il est Fahijal. Walladhani ya'tiyaniha minkum. Il est Fahijal. C'est homosexuel. واللذان يأتي منكم فآذوهما فاستعمل. Si jamais ils faisaient ça, tu devais les punir. Pas les tuer, mais les punir. Après, ça a été abrogé. Et Bélétifat, maintenant, s'ils font ça, tu les tues. Après, on a vu فقراء أغنياء مفاعل مساجد مفاعل مفاعيل tout ça أوزلنا كذلك يبقى pas de tenue. Et on a vu كذلك lorsque c'est un nom ou prénom, un nom ou un sifa qui se finit par quoi? Alif ou non, qui a plus de trois lettres avant le alif. جوعان جيم واو ع alif non جوعان كسلان كذلك ملآن عفان. Tu dis عفان. Ce que j'ai remarqué, c'est soit c'est des noms, ou soit c'est des sifats. C'est ça le truc. C'est la base. Et la le même nom, il y a un qismé. Alamia ou Osfiya. Wasfia, c'est les caractéristiques. Alamia, c'est les noms. Ensuite, le nom, tu verras, il y a plusieurs trucs. T'as la Habel, on va le voir ça. Yanni, en gros, ils disent que c'est un mot qui a été changé comme Omar. T'as quoi? Ce qu'ils disent, ça vient de ce mot-là. Après, il a été modifié. C'est ce qu'ils ont vu. Ils ont trouvé que c'était Illa là. Ce qu'ils ont cherché, ils ont dit pourquoi. Pourquoi il ne prend pas de Tamil Omar? Ils ont regardé, ils ont dit bon, ça, c'est un prénom. On a vu généralement. Celui qui ne prend pas de tenouin, ça repose sur ça. Soit c'est un prénom, ou soit c'est un qualificatif. Ils ont dit c'est un prénom, ensuite ils ont cherché la deuxième illa. Parce qu'ils ont vu que pour qu'il soit même nominal sar, il faut qu'il a deux justificatifs pour cela. Ils ont vu, ils ont trouvé le premier, ils ont cherché le deuxième, ils ont dit ah, c'est parce que c'est un radl, il y en a mardoul. Il a été rectifié d'une chose. Avant c'était, je ne sais plus comment ils avaient dit ça, il y en a, j'ai oublié c'était quoi. Il dit en vérité, Omar, c'était Amir, je crois, un truc comme ça, j'ai oublié. Et c'est devenu Omar. Donc le fait qu'il a été modifié, ça c'est une raison qui a fait qu'il est devenu Mamnoum Nassar. Ils ont cherché, ils ont trouvé que cela. Mathalan Ahmed. Ahmed Kadhalik, ils ont cherché. Ils ont dit pourquoi il a Mamnoum Nassar. Ils ont vu que ça ne sortait pas de ces deux illas là. Soit non, ou soit qualificatif. Ils ont vu un, ensuite, Kadhalik, il est comme le verbe. Et le verbe, il ne va pas t'aimer. Donc il dit c'est pour ça qu'il n'a pas pris de t'aimer. Et ensuite, ils ont cherché comme ça, tu vois, plein de illas comme ça, tu vois. Il y en a plusieurs. Lui, il en a ramené une petite partie, tu vois. Mais à chaque fois, pour chaque Mamnoum Nassar, il y a deux illah. Soit c'est un qualificatif, soit c'est un prénom. Ou soit c'est un nom, je veux dire. Et ensuite, à chacun de ces illah-là, de cette illah-là, qui est une, un justificatif, il y aura un autre justificatif. Vas-y, on lit la dernière. Donc, Ad-Dars, voilà, Ad-Dars, Al-Thalithu wal-Ishurun, wa akhiruhu. قال المدرس من أنت يا أخي؟ traduit. Qui es-tu, mon frère? Ou mon frère? قال من أنت يا أخي؟ Qui es-tu, mon frère? أنا طالب جديد. Je suis un étudiant, nouvel étudiant. ما اسمك؟ Quel est ton prénom? اسمي أحمد. من أين أنت؟ D'où es-tu? أنا من باكستان. Je suis du Pakistan. Regarde là, باكستان. Non. Pourtant, c'est quoi? À la base, c'est Pakistan. On sait que lorsqu'il est majoro, le mot, c'est avec une majoro, avec quoi? C'est normalement, c'est avec une kasra. Mais on va voir qu'il y a des choses qui remplacent la kasra, comme on a pu le voir avec lorsqu'il est marfoua. Maintenant, tu vas dire, on a dit, Hada abouka. Hada abouka, hada. Mubtada abouka khabar. On a khabar de marfoua. C'est quoi qui nous prouve qu'il est marfoua? Donc, abouka, c'est le waouh. C'est le voir. Maintenant, tu vas dire Haoula muslimouna. Haoula, mubtada, muslimouna khabar. Je te demande, c'est quoi qui montre yani, donc il est khabar, donc il est marfoua. C'est quoi qui nous montre qu'il est marfoua? Donc muslimouna, c'est quoi? C'est le waouh. Le waouh. Le nom du Talmud, ça c'est juste pour marquer le. Du tamkir. Tu m'as trouvé là. C'est pour marquer la marque du tamkir. Là, كذلك, t'as certains mots lorsqu'ils sont même mamnou' min as-sarf, ils prennent pas, lorsqu'ils sont majrour, ils sont pas majrour avec une fatha. Tout ce qu'on a pu voir là, tous les mamnou' min as-sarf, la règle, lorsqu'il est majrour, lorsqu'un harf jar va rentrer, ou bien sera mudaf, ou plutôt mudaf ilay, il va pas être majrour avec la kasra, parce qu'on dira pas kasra, parce qu'il prend pas de tanwin aslan. Mais il va être majrour bil fatha. Le jour de Fatha. Et tu diras la Fatha à remplace la Kasra. Pourquoi? Parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Il est mamnou' min at-tanwin. Tout mot qui ne prend pas une tanwin, lorsqu'il sera majrour, il sera majrour avec une Fatha. Maintenant, tu vas dire Naam, ra'aytu, pas ra'aytu, mashaytu ma'a Ahmada. Tu ne peux pas dire mashaytu ma'a Ahmadi. D'accord. Parce que c'est comme ça. Mamnou' min as-sarf. Il ne prend pas de tanwin. Et lorsqu'il ne prend pas de tanwin, lorsqu'il est majrour, il est majrour avec une Fatha. Toi, directement, tu peux savoir un mamnou' min as-sarf en regardant ça à la terminaison. Si il est mansoub. Si il est majrour. S'il n'est pas mansoub. Mansoub, kadraïka, ce sera avec la Fatha. Mais toi, tu sais qu'il est mansoub s'il n'y a pas de fi'l. S'il n'y a pas de fi'l, c'est clair que. Donc ça c'est une des choses pour mes leçons. Alors, je crois que c'est les règles relatives à quoi le mamnou' min as-sarf. Après il dit indi sab'atu dafatira. Chouf. Il n'a pas dit indi sab'atu dafatira malgré qu'il est quoi mudaf ilayhi. Sab'atu mudaf wa dafatir mudaf ilayhi. Indi khabar wa sab'atu dafatir mubtada mu'akhkhar. Liman hiya? Vas-y, traduis. J'ai J'ai sept cahiers. À qui sont-ils? À qui sont-ils? Ou plutôt à qui appartiennent-ils? Ibn, à qui appartiennent-ils? Qala hati ya ustad. Hati. On va voir, hati, c'est ismu fi'l. Donc ismu fi'l, c'est un nom qui a le sens d'un verbe à l'impératif. Donc ismu fi'l, c'est pas un fi'l. Lakin, c'est un nom qui a le sens de. On prend féminin, on dirait. Hati, hatu. Là, là, là. Ismu fi'l, ma, soit. Là, là, c'est un fi'l. Fi'l, c'est un fi'l. Là, là, c'est hati. Hati, tu diras hati. Hati, c'est un fi'l, c'est un fi'l. Hatu. C'est pas enti. Hati, là. Là, là, c'est un fi'l. Là, c'est un fi'l amr pour dire donne. Hat. Alors, tu dis hat, parce qu'on ne prononce pas la question, c'est hat. À la femme, tu diras hati. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Hatu. Burhana. Donné. Et quand c'est un homme, tu lui dis quoi? Hat. Hat. Mais tu ne prononces pas la fatha. La question va en dessous. Hadi. Abbas, il parle modalis, il dit hadi ya ustad. Naham, lakin, tu ne le dis pas. Lorsque, si jamais tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes sur le hati, tu ne diras pas hati, hat. Là, ça c'est que lorsque tu t'arrêtes. Si jamais il y a une phrase, ou plutôt il y a un mot après, tu diras hati, oustad. Hati, oustad. Là, lorsque tu veux dire une femme, c'est hati, t'appuies. Hati, il y a quel air? Hati, il y a Fatima. Donc donne au professeur. Qala ha, hati, ya oustad, ha, zali. وهذا لمحمد وهذا لحامد وهذا لإبراهيم وهذا لعثمان وهذا ليوسف وهذا لطلحة طلحة صمد طلحة tu diras mais juste histoire de montrer que le ممنوع من الصرف ne prend pas de quoi il ne prend pas de كسرة lorsqu'il est مجرور il ne prend pas de تنوين mais لكن il ne prend pas de كسرة lorsqu'il est مجرور c'est la فتحة qui remplace le la كسرة. قال أهذا كتابك يا محمد؟ Est-ce que cela est ton livre, يا محمد؟ نعم. قال محمد لا هذا كتاب حمزة. Non. Ceci est le livre de حمزة. نعم. Donc مضاف إليه. ممنوع من الصرف فتحة. قال المدرس أين علي يا إخوان؟ هو علي. قال ذهب إلى الرياض. لبارتي الرياض. شوف الآن الرياض. C'est un nom de quoi? C'est un nom de ville. On a vu qu'il est mobile, ils prennent pas. Normalement, ils prennent. On a dit son. Ils sont majeurs. C'est ممنوع من الصرف. ممنوع. On a dit. Là, il a une فتحة, il a une كسرة. Parce que peut-être c'est une ville arabe. Non, parce que lorsque tu verras, la règle elle se casse. C'est-à-dire que le ممنوع من الصرف, il prend pas de quoi? Il prend pas de كسرة si jamais il est majeur. هذا كتاب حمزة. Il prend pas de كسرة lorsqu'il est مجرور. مجرور c'est quand il y a un حرف مجرور qui est devant lui. تمام. هذا من حمزة لك. C'est un cadeau de حمزة pour toi. هذا من حمزة tu dis. لكن la règle va se casser et tu vas avoir revenir à l'asl à partir du moment où le مضاف ou plutôt le ممنوع من الصرف il sera quoi? Il sera défini par elle. Si le ممنوع من الصرف, il prend donc elle. Il prend elle. Il y a Hafjar, il revient. Ça revient. Min Riyad, oui. Et Pakistan. Pakistan, là, tu ne peux pas mettre elle. Elle. Donc, du coup, il restera comme ça, tu vois. Il va rester comme ça. Maintenant, El Masajid. El Masajid, si jamais tu rentres le L, comme c'est le cas ici, tu diras Fil Masajidi. Pourquoi? Parce qu'il y a elle. À partir du moment que elle rentre dans le ممنوع من الصرف, il reprend la règle comme si jamais il n'avait rien été. D'accord. Okay. Si jamais il est dénudé de elle, bah dans ce cas-là, quand même, il ne saura pas. La règle revient, c'est-à-dire qu'il ne prendra pas de kasra lorsqu'il sera majeur. Qala dhahaba ila riyadi. Qala wa aina ya'qubu. Qala dhahaba ila makkata. Il est parti à Mecca. Qala aina ishaqu. Qala kharaja ila al-mudiri. Où est Ishaq? Il est sorti. C'est vers le directeur, chez le directeur. قال متى خرج خرج قبل خمس دقائق Quand est-ce qu'il est sorti ? Il est sorti il y a, parce que Tabla, c'est il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. T'as, donc là, le but de la leçon, c'est de faire comprendre. T'as, écris-le, Inch'Allah. Il n'y a pas besoin de. Si. Je veux dire, il n'y a pas besoin quand j'écris au tableau. T'as. Je fais pas de faute. Oh, attends. Donc, le mamnou min as-sarf, اذا كان معرفا يجر بالكسره. Le mamnou min as-sarf, ce qui prend pas de tanwin, lorsqu'il est défini, bi al, ou il est défini hatta, on va voir que il prend pas de quoi ? Il prend pas de kasra. Ou plutôt, il sera majrour bil kasra. Plutôt, il revient à la règle. Voilà. Et si jamais, wa idha kana mujarradan 'an al-ma'rifa, et si jamais il est dénudé de la, d'être déterminé, فَإِنَّهُ جَرُّ بِالْفَتْحَةِ il sera majrour بِالْفَتْحَةِ نِيَابَةً عَنِ الْكَسْرَةِ donc la fatha là par laquelle il sera majrour, c'est ça qui va remplacer la kasra. Donc là, pour revenir là, au premier point, الْمَمْنُعُ مِنَ الصَّرْفِ إِذَا كَانَ مُحَرَّفًا يُجَرُّ بِالْكَسْرَةِ lorsque le مَمْنُعُ مِنَ الصَّرْفِ il est défini ou déterminé, il va être majrour avec la kasra. Ça va être dans deux cas. C'est-à-dire que si jamais il prend elle, fil masjidi. Tu diras fil masjidi malgré que, ou fil masajid avant. Fil masajidi. Malgré que masajid, c'est même un sarf. Pourquoi ? Parce qu'il est sous le wazn de quoi ? Mafa'il. Kadal ka, justement, fil mafatih ala kulahat, comme tu le dis, ma'al mafatihi. Ma'al mafatihi. Al mafatih. Ma'al mafatihi. Mafatihi. Et si jamais il est mudaf, t'as une chose qui est quoi ? Ma'rifa. Tu vas dire, مثلا, fi mas ou ma'am, مثلا, ou anna al-masajid al-illah, masajid. Non. مثلا, tu vas dire, fi masa, tu diras pas fi masa, jid Allah. Fi masa, jid Allah. Pourquoi ? Parce que masajid, il est quoi ? Il est mudaf. Masajid. Masajidullah. Masajid, c'est quoi ? Mudaf. لفظ الجلالة مضاف إليه. On a dit le مضاف lorsqu'il est annexé à une chose qui est définie, il va être quel est défini. Donc le fait qu'il soit défini, le مضاف, c'est-à-dire مساجد, il a été défini. Pourquoi ? Parce qu'il est annexé à une chose qui est définie. À partir du moment qu'il est défini, eh ben il va revenir à la première point. C'est-à-dire qu'il va être quoi ? مجرور avec une كسرة. Donc dans deux cas. Si j'ai pris ici, il prend elle, fil مساجد, ou si le مضاف d'une chose qui est définie. Tu dis mathalam, tu veux dire vos mosquées. Tu diras comment ? Masajidukum. Fi masajidikum. Là, quelqu'un peut te dire comment tu dis masajidikum alors que masajid, il est quoi ? Ça mamnou' min as-sarf. El mamnou' min as-sarf, lorsqu'il est majrour, c'est le monde ici, il est majrour avec une fatha. Pourquoi tu n'as pas dit fi masajidakum ? Non, parce qu'on a dit le hukum. Il est même dans le sarf et qu'il est mudaf parce que mudaf il est avec kum, on a dit et kum c'est quoi kum, kum c'est défini damer mutassif, mais c'est un damer qui est quoi le maruf damer c'est le plus défini بعد لفظ الجلالة. Donc ça nous prouve que quoi que masajid il est défini. Donc à partir du moment que le même nom dans le sarf il est défini, il prend la règle générale, il revient comme si jamais rien ne s'était passé. Donc ça c'est deux points à respecter. Le même nom sarf, lorsqu'il est muharraf, c'est pour ça qu'il dit muharraf. Certains des ceux qui donnent les cours, ils expliquent par quoi ils disent si jamais il est muharraf bi elle. Comme s'il est défini par elle. C'est faux. C'est faux. C'est pas totalement vrai. Parce que voilà, il manque un cas. C'est lorsqu'il est quoi ? Annexé à une chose qui est définie. C'est pour ça que j'ai dit muharraf. Lorsqu'il est défini. Je te dis, message, il est comme il est défini. Message, je te dis, At-tullab namu. C'est quoi la terminaison de fanadiq? Nam at-tullab fi masajid la fi fanadiq rajulin. Tu dis si c'est fanadiqa fanadiqi. Ah. Moi je dirais que c'est il est défini parce qu'on sait que c'est l'hôtel Mais il est défini à qui ? C'est quoi? C'est quoi le mudaf ilayhi? C'est quoi là? C'est quoi le mudaf ilayhi? Là où il y a une action, tu veux dire? Ah. J'ai de l'écrire, ça va être ça. Rajuli. Là, c'est quoi? Rajuli. Fana. Dit. Rajuli, tu vois? Fi fanadi. Tu vois? Comme on a dit. Naam. Fi fanadi qir rajuli. Fi fanadi qir tu dis. فنادقين عفوا فنادقين ايوه ممنوع من الصرف ممنوع لكن يبقى بون تنوين نو ممنوع من الصرف يكون جامي تنوين كوا كي لانسوا لا نونتخان ديسكوتي اسكو يبات مجرور بالكسره او بين الفتحه Bah là, en fait, il n'y a peut-être pas le alif lam, mais comme on sait qu'il est défini par un rajouli, et donc on revient à la règle. Non? Parce que là, fanadiq, mudaf. Rajulin, mudafun ilay. Indéfini, non? Indéfini, rajulin. Ah, le mot, moi je crois défini dans le sens. Non. Mathal, si je te dis c'est qui? Man hada rajul? Indéfini. Si jamais je t'aurais dit fanadiq ar-rajul, tout en sachant qu'on sait qui on parle, si je te dis ar-rajul, c'est que tu connais l'homme, tu connais. Là, on aurait pu dire fanadiq. Mais du fait que là, rajulin, comme fi fanadiq, nama tullabu, fi fanadiq, tu diras. Rajulin. Fi fanadiq ar-rajulin. Fanadiq ar-rajulin. On revient à la règle. Ouais, pourquoi? Parce que quoi? Attends, je crois que je suis en train de te dire. Je crois que c'est quand il est mudaf hatta. Mutlaqa. Quand il est mudaf. Qu'il soit annexé à quelque chose qui est défini ou indéfini. La kasra. Qu'il soit défini. On met une kasra. Qu'il soit défini. Al fanadiq. Ou qu'il soit quoi mudaf. Akid. Parce que là j'ai l'argument n'était pas ne valait pas ta raison. Quand faut répondre, faut répondre bien. Nam tulla fi fanadiq rajulin. Tu dis pas fi fanadiq rajulin. Akid c'est mudaf. Lorsqu'il est mudaf, comme fi fanadiq rajulin. Tu dis pas fi fanadiq rajulin. Tu dis pas. Non. Et quand le cas hati, ça on va le voir, Inch'Allah, c'est plus même pas quoi l'expression. Ce qui est voulu ici, c'est pas la grammaire. C'est pas la grammaire qu'il a voulu dire, mais hati, sache ce que c'est quoi? Fa'al amr. Hat. Attends, juste, je donne des exercices. Donc demain, attends. Et le contrôle, ça, je ne sais pas. Hein? Non, pile. Non, pile. Tam, donc tu fais tam, l'exercice numéro 1, il dit quoi? T'es amal amthila. Attends, elle a agi. Regarde, juste, où est-ce qu'il est? Il y a porte réflexion sur les. Porte réflexion sur les. Trucs suivants. Ouais. Là, je regarde s'il y a des erreurs ou pas. Ouais. En gros, tu as dit Mohammedoun. Min Mohammedin. Il veut te dire, en gros, regarde comme ça change. Ah, juste que je regarde. Min t'étais Amal Bess. En fait, tout se dit en vérité Mohammed. Min Mohammed, Majurun. Il a Mohammed, li Mohammedin, kitab Mohammed. Il t'a mis toutes les formes d'annexion. D'accord. Là, il va faire la même chose que Zainab. Mais Zainab, c'est quoi maintenant, Minasar? Pourquoi? Parce que c'est un prénom et féminin. Zainab, min Zainaba, il a Zainaba. Ma'anawi, l'ordre. Ma'anawi? Eh non. Ma'anawi. Dans le sens. Min Zainaba, il a Zainaba. Li Zainaba, kitab ou Zainaba. Il dit, ikra waktub, li écrit. Donc, li écrit. Il y a le 3, il y a le 4 aussi. Ah ouais, pourquoi? Ikra al-kalimat. Le 3, il dit, ikra al-kalimat al-atiya waktubha ma'a babt awakhiriha. Donc les kalimats suivantes et ensuite mêler décrit la terminaison comme il se doit de ces mots-là. Et le quatrième, Oktob el adad min salatha ila ashar. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي